Toi, bismillah rahim, une fois de plus, je m'excuse vraiment auprès de vous pour la qualité sonore, car à cause des bruits de fond, on est obligé de trafiquer l'audio, et ce qui amène à déformer la voix. Mais on n'a pas le choix pour cette série d'audio. Non. Donc patientez, de toute façon, les audios, je les essaie de faire au plus court possible. Et Donc là, on poursuit toujours dans les catégories de personnes. Allati tajibu alayhim an yadfa'u az-zakat. Les gens sur qui il incombe de sortir cette zakat. Donc là, on continue les masa'il. Il dit hal tajibu al-fitratu 'ala al-ikhwati baynahum wal-a'mami baynahum. Donc maintenant, est-ce qu'il est obligatoire à ce que les frères entre eux sortent la zakat, c'est-à-dire le frère sort pour son frère, ou également les oncles, c'est-à-dire en fait les proches, mais qui ne sont pas à la charge les uns des autres. Et l'auteur a rapporté une parole de An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui dit وَأَمَّا الْإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ وَالْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ وَسَائِرِ الْأَقَارِبِ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ وَلَا فِطْرَتُهُمْ. Donc il a dit, rahimahullah ta'ala, en ce qui concerne les frères et leurs enfants, c'est-à-dire les neveux, ainsi que les oncles et leurs enfants, c'est-à-dire les cousins, et tous les proches qui ne sont pas les ascendants et les descendants, c'est-à-dire qui ne sont pas les fils ou les pères, et les grands-pères, ainsi de suite, c'est-à-dire ceux qui sont, je ne sais pas comment dire, adjacents sur les... Vous voyez quoi? Ceux qui sont sur les côtés, c'est-à-dire les proches latéraux, on dirait comme ça. Eux, la dépense pour eux n'est pas obligatoire. Donc, cette fitra n'est pas obligatoire pour toi de sortir la zakat pour ton frère, ni pour ton oncle, ni pour ton cousin. D'accord? Non. Cousin et cousine, bien sûr. Summa yakul... يلزم الولي إخراج فترة الصبي والمجنون والمهجور عليه لسفه. Il dit qu'il est obligatoire au tuteur de sortir la zakat pour l'enfant et pour le fou ou pour celui dont qui était interdit de dépenses, c'est-à-dire dont les biens ont été confisqués car il ne s'est pas dépensé. Il y a des gens comme ça, c'est un safi, il ne s'est pas dépensé l'argent. Très dépensiers, très gaspilleurs. Donc, ces gens-là, on leur retire leur argent pour leur empêcher de se faire du mal. Cette personne-là, d'accord, qui doit dépenser pour eux? Eux, il a été dit que la personne qui est leur responsable, c'est-à-dire leur tuteur, c'est à lui de sortir pour la zakat. Par exemple, tu as un frère, d'accord, par exemple, il est trisomique. Il a de l'argent, mais il est trisomique. Trisomique, l'argent, il ne sait pas dépenser. Ça sera à toi de dépenser pour lui. Un enfant qui a de l'argent, tu es responsable de lui. Ce n'est pas forcément ton fils, mais tu es responsable de lui. D'accord? Voilà. Ou alors une personne qui a cette responsabilité, qui ne gère pas l'argent. Et bien à ce moment-là, c'est au tuteur de sortir la zakat pour eux. Mais cette zakat, d'où il la sort? De leur argent à eux. De leur propre argent. Il est le masala qui a été évoqué que cette zakat fitr n'est pas obligatoire pour les gens de la campagne. Elle n'est valable que pour les citadins et autres. D'accord? Et en réalité, cet avis, il est incorrect. La zakat est obligatoire, comme le hadith qu'on a pris, pour tout musulman, où qu'il soit, qu'il soit en terre d'islam, qu'il soit en terre de kufr, où qu'il soit, à la campagne, dans la ville, dans les montagnes, au bord de la mer, dans le désert, dans la forêt, où qu'il vive, cette zakat lui est obligatoire. Summa qal, iza mata man wajabat ali al-fitra qabla ada'iha. Donc maintenant, la masala, c'est celui qui a, par exemple, qui a fait Ramadan et qui est mort avant de donner sa zakat. Qu'en est-il de lui? D'accord? Qu'en est-il de lui? Et il dit l'auteur, il rapporte une parole d'Ibn Qudama, qui dit In mata man wajabat ali al-fitra qabla ada'iha, ukhrijat min tarikati. Maintenant, si quelqu'un meurt parmi les gens qui doivent payer la zakat, et qu'il meurt avant de la donner, alors on sort cette zakat des biens qu'il a laissés, c'est-à-dire de l'argent qu'il a, qu'il va donner en héritage. Au même titre que s'il avait des dettes, avant de partager l'argent à ses héritiers, on paye tout ce qu'il a à payer. Tout ce qui est relatif à la janaza, le kafan et tout, s'il a des dettes, on lui rembourse. S'il a une zakat de mal à donner qui n'est pas encore donnée, on la paye avec. S'il a un hajj qui n'a pas accompli, qui n'a pas pu accomplir, on paye quelqu'un pour le faire pour lui, avec son argent à lui, ainsi de suite. Et zakat al-fitr, il en est de même. On la sort pour lui, depuis ses biens à lui. نعم. ثم مسألة، هل يخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ Donc maintenant, est-ce qu'on sort la zakat pour le fœtus dans le ventre de sa mère? Une femme, elle est enceinte, d'accord? Est-ce que c'est l'enfant dans son ventre, le père sort la zakat pour lui, pour cet enfant-là? Donc la masala, il y a deux qawls, deux avis. فالقول الأول لا تجب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه وبقول جمهور أهل العلم وقد نقل أو نقل ابن المنذر الإجماع فقال أجمع كل من يحفظ عنه من علماء أهل الأمصار لا يجب ولا الرجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. Donc en premier lieu, il n'est pas obligatoire, c'est le premier avis, de sortir cette zakat pour un enfant qui n'est pas encore né, qui est dans le ventre de sa mère. D'accord? Il dit la parole de, il rapporte une parole de Ibn Munzir qui lui-même a rapporté l'unanimité là-dessus, que cela n'est pas obligatoire. Mais des avis disent que cela est recommandé, d'accord, que cela est recommandé. Et ce fut se basant sur un athar que Othman radiallahu anhu sortait la zakat pour les femmes enceintes, d'accord. Cependant, cet athar rapporté de Othman a été jugé comme étant faible. Il y a une interruption dans sa chaîne de transmission. Et d'autres, ils disent que cet enfant, à la base, s'il venait à naître, à mourir, et qu'il avait déjà de l'argent, eh bien, on hérite de lui. D'accord? Cet enfant, par exemple, de l'argent lui est venu. Il est encore, il est encore dans le ventre de la mère, mais il a déjà de l'argent. Il a un compte qui lui était ouvert, ou de l'argent lui a été laissé pour sa naissance, il a de l'argent. Eh bien, si jamais cet enfant, il meurt, même avant de naître, eh bien, des gens héritent de lui. Donc, ils disent, au même titre qu'on hérite de lui, on sort de lui la zakat. Par contre, ils ont mis une condition, c'est laquelle? C'est que cet enfant soit déjà un être vivant, c'est-à-dire qu'il soit au bout de 120 jours de grossesse, les 4 mois. Bardama nafara al-malak al-nafra al-ruh al-batni ummihi. Cela après que l'ange lui ait insufflé le souffle de vie selon l'ordre d'Allah azawajal. Cela a lieu au bout de 4 mois, car avant 4 mois, il n'est pas un être vivant. Il n'est pas un être humain. C'est un bout de chair. Mais au bout de 4 mois, il est considéré comme étant un être vivant. Cependant, il n'est pas encore né. Taïeb. Donc, l'auteur dit que la vie authentique, c'est qu'il n'y a pas de zakat obligatoire à sortir pour lui, mais il peut être recommandé de le faire, car des gens l'ont fait auparavant. Mais l'obligation, non, ce n'est pas obligatoire. Surtout qu'on ne sait pas, l'enfant, est-ce qu'il va sortir vivant ou autre. Il n'est pas présent avec nous. Et il n'a pas jeûné. D'accord ? Kazalik. ثم يقول اليتيم الذي له مال تجب فطرته من في ماله. Donc maintenant on parle de l'orphelin. L'orphelin qui possède des biens. Un orphelin c'est qui? والذي مات عنه أبوه قبل البلوغ. C'est l'impubère dont le père est mort. D'accord? L'impubère dont le père est mort. C'est un orphelin. Donc cet orphelin là, si son père est mort, ou qu'il n'a pas de grand-père ni rien, il n'y a personne qui dépense pour lui. Mais cet orphelin a de l'argent. De l'argent. Et bien cet orphelin, on prend son argent pour payer sa zakat pour lui. Naam. Il cite plein de masa'il également concernant l'esclave. Mais comme on est en époque où il n'y a pas d'esclavage, d'accord, non pas qu'il soit abrogé, mais que cela n'est pas applicable en cette époque, car les règles ne sont pas mises en place, alors on va se passer de citer tout ce que l'auteur a dit. Taïeb, il restait une masala que je voulais citer. Il citait également par rapport à la femme qui est en idda, la femme divorcée qui est en idda, c'est-à-dire qu'elle a été divorcée par son mari, mais elle est en période de viduité. Est-ce qu'elle sort sa zakat elle-même ou pas? Et il est connu que la femme qui est en idda, d'accord, elle est toujours sur la charge de son mari, car elle reste son épouse. Donc le jugement ne change pas que c'est à son époux de sortir la zakat pour elle. Voyez, il a cité également la masala de la femme qui est naashiza, la femme qui est rebelle, qui n'obéit pas à son mari, qui se refuse à lui, par exemple, ou qui sort sans sa permission, ou qui s'est rendu ailleurs, la femme qui n'obéit pas. Car l'avis de la plupart des savants, c'est que cette femme-là, comme conséquence de sa rébellion, son mari n'a pas dépensé pour elle dans tous les domaines. Ni l'habillement, ni l'habitat, ni la nourriture, il n'a rien à payer pour elle. D'accord ? Par rapport à sa rébellion. Donc, il en va de même, il en est de même pour Zakat el-Fitr. Il n'a pas à sortir sa zakat pour elle. C'est à elle de la sortir elle-même. C'est même une chose. Wa zakara mas'ala المسلم لا يخرج زكاة الفطر عن زوجته الكافرة. Car c'est une masala que je vais citer auparavant. Le kafir, lui, cette zakat al-fitr ne lui est pas obligatoire. Dans quel sens on ne peut lui imposer de la payer, car étant donné que c'est un kafir, ses actes ne sont pas acceptés auprès d'Allah Azzawajal. C'est comme la salat, comme le siyam, comme les adorations, on ne peut lui imposer. Bien que Yom al-Qiyama, il sera jugé pour ne pas avoir fait cela. Les kuffars seront jugés pour les mêmes choses que les muslimines. Ce qui est haram sur nous est haram sur eux. Ce qui est obligatoire sur nous est obligatoire sur eux. Mais tant qu'ils ne sont pas entrés en islam, on ne peut leur imposer. D'accord? Donc, le kafir, on ne lui impose pas de payer zakat al-fitr. Il faut bien comprendre cela. Donc là, il a mis la mas'ala, celui qui est marié avec une kafira, une kitabiya. Il est qu'il y a une femme qui est nasraniya ou yahoudiya, une chrétienne ou une juive, car cela est permis avec elle. Et bien lui, en fonction de cela, il n'a pas à sortir la zakat pour son épouse. D'accord? Car cela n'est pas accepté d'elle. Car cette zakat a été imposée aux musulmans. Voyez, tout comme par exemple une zakat ne pourra pas leur être donnée. Une zakat mal ne pourra pas être donnée à ces gens-là, car on ne le donne qu'aux musulmans. Les zakat mal, kazalik, on ne prend pas de biens des koufars pour payer la zakat mal aux musulmans. Car cette zakat mal doit être prise des riches musulmans pour donner aux pauvres musulmans. Ou les catégories de personnes décrétées par la religion. Non. Voilà ce qu'on a pris comme ders aujourd'hui, bidna ta'ala, et on poursuivra demain. Non. فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك